إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا رحمكم الله أن أوجب الواجبات وآكد الحقوق على العباد عبادة الله عز وجل ولا تصلح العبادة حتى يصح التوحيد ولا يستقيم التوحيد إلا بمعرفة الشرك والبراءة منه قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الشرك عباد الله هو صرف العبادة أو شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك في الأفعال أو في الأقوال أو في النيات وهو أن يجعل الإنسان لله ندا أو مثيلا له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته يقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والشرك أظلم الظلم يقول تعالى إن الشرك لظلم عظيم والشرك أعظم الذنوب لأنه صرف خالص حق الله تعالى لغير الله ولأنه تسوية للمخلوق الضعيف العاجز بالخالق العظيم القادر يقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم فكما أن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق المتصرف المدبر لشؤون خلقه وحده فحقه تعالى على خلقه أن يعبدوه وحده لا يشركون معه شيئا يقول تعالى ألا لله الدين الخالص والشرك بالله تعالى أعظم الكبائر والذنوب على الإطلاق وقيل يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه وهو أكبر جرم وأعظم افتراء وهو الذنب الذي لا يغفره الله إلا لمن تاب منه وأناب قبل أن يموت يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ويقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الشرك رجس يقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان والمشركون نجس يقول تعالى إنما المشركون نجس وهم من أبعد الضلال يقول تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وسيقول المشركون لآلهتهم نادمين متحسرين يوم القيامة كما أخبر الله تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واعلموا عباد الله أن الشرك بالله نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر. وأما الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو الشرك المخرج من دين الإسلام الموجب للخلود في النار المحيط لجميع الطاعات كلها، وحكم صاحبه حكم الكفار المرتدين، لا تنفع معه صلاة ولا صياما ولا صدقة. ففي صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعليه تنصب الآيات السابق ذكرها. وأما النوع الثاني من الشرك فهو الشرك الأصغر، وهو أن يعمل الإنسان العبادة ليراه الناس أو ليسمع مدح الناس، وهو يسير الرياء والسمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي صلاته لما يرى من نظر، أو لما يرى من نظر رجل، وحكمه منقص للتوحيد، وحكمه أنه منقص للتوحيد ومحبط لذلك العمل، غير مخرج من الدين مع خطورته وقبحه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. فجعل رضي الله عنه الحلف بغير الله، وهو شرك أصغر، أقبح من الحلف بالله كاذبا. ومعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، فالحلف بغير الله أكبر من الكبائر لأنه شرك أصغر. ومن أمثلة الشرك الأصغر الشائعة عند بعض الناس الحلف بغير الله، كمن يحلف بالأمانة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بولي من الأولياء، كقول الرجل مثلا: ما شاء الله وشئت. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ومن ذلك قول الرجل: لولا الله وفلان. والصواب أن يقول: لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، فهو وحده جل وعلا الذي بيده جلب الخير وأسبابه ودفع الضر ومسبباته. فاحذروا الشرك عباد الله، كبيره وصغيره، ووسائله وذرائعه. ومن مظاهر الشرك الأكبر والواجب التنبيه عليها خوفا وحذرا من الجهل بها والوقوع فيها، صرف العبادة أو شيء منها لغير الله، كشرك عباد القبور والأموات والغائبين. يدعون الأموات ويستغيثون بهم، فيعتقدون بهم جلب النفع ودفع الضر، فيدعوهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون أو يسجدون ويركعون لهم ويطوفون حول قبورهم ويطلبون منهم المدد وتفريج الكرب وقضاء الحاجات كشرك الصوفية مع أوليائهم والرافضة مع أئمتهم الأحياء والميتين، وكل ذلك كفر أكبر مخرج من الملة. ومن الشرك الأكبر رفض الحكم بكتاب الله، رفض الحكم بالشريعة، ورفض حكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرضا بالقوانين الوضعية المستمدة من المناهج الحديثة من قومية ورسمالية واشتراكية وشيوعية وديمقراطية وعلمانية وغيرها. كل ذلك كفر أكبر صارف عن دين الله ومخرج من الملة، نسأل الله السلامة. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن كل ما يسيء لتوحيدكم وإيمانكم من شرك أكبر أو شرك أصغر، وأسأل الله أن يثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه، وأن يميتنا مسلمين محسنين لا مبدلين ولا مغيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que la plus grande des obligations et le plus grand des droits qui pèsent sur les serviteurs, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, l'adoration d'Allah. Et l'adoration, elle ne peut être valide sans le tawhid, c'est-à-dire la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et le tawhid d'un individu ne peut être valide que si la personne connaît ce qui s'y oppose, c'est-à-dire le shirk, et le fait de se désavouer du shirk et de se désavouer des gens qui font le shirk. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous écarter de l'impureté des idoles et nous ordonne d'être purement musulmans et de n'adorer que lui et de ne pas faire partie du nombre des mushrikines. Les mushrikoun, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le shirk et qui croient au shirk ou qui font du shirk. Mais qu'est-ce que signifie le shirk? Lorsqu'on lit des versets dans le Coran qui disent Inna shirka la dhulmun azim, la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Et lorsqu'on lit des versets qui disent Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, ce qui signifie et quiconque fait du shirk avec Allah, alors certes, Allah lui interdit le paradis, et sa destination et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Lorsqu'on entend des versets comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une lumière qui s'allume dans notre esprit et une question qui apparaît dans notre cœur, à savoir, mais qu'est-ce que c'est le shirk? Lorsqu'on connaît la gravité des menaces qui ont été mentionnées à son sujet, ça devrait nous amener directement à nous poser la question. Si c'est ça sa gravité, et si c'est ça son danger, et si c'est la chose, comme Allah Azza wa Jal nous dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » C'est-à-dire, n'importe quel péché que tu peux faire, parmi les péchés, parmi les kaba'ir, n'importe quel péché tu peux imaginer dans ta tête, il est moindre que le shirk, Allah peut te le pardonner. C'est-à-dire, si tu meurs demain, alors que tu avais commis ces grands péchés-là, tu avais volé, tu avais tué, tu avais bu de l'alcool, tu avais fait le zina, ou bien tu avais fait du riba, ou n'importe quel autre parmi les kaba'ir, et tu meurs là-dessus, en croyant que c'est haram de faire ces péchés-là. Et tu les as fait par faiblesse et par passion. Et tu meurs demain. Et tu t'étais pas repenti. Du moment que ces péchés-là, on sait que ce sont des péchés qui sont des kaba'ir, des péchés extrêmement graves. Mais à côté du shirk, ils ne sont pas aussi graves que le shirk. Le shirk, c'est le plus grave de tous les péchés. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla, il dit, si tu meurs sur un autre péché, Allah peut te pardonner. Mais si tu meurs sur le shirk, tu t'étais pas repenti avant de mourir, il te pardonnera jamais. Et ta destination, c'est l'enfer éternel. Si tu meurs sur le kufr, tu meurs sur le shirk majeur, c'est l'enfer direct, éternel. Aucun espoir, aucune miséricorde. Mais si tu meurs sur le tawhid et l'adoration d'Allah, en ayant commis d'autres parmi les kaba'ir, eh bien à ce moment-là, tu es sous la volonté d'Allah. Il peut te pardonner. Et il peut te punir également. C'est-à-dire que le musulman, il peut rentrer en enfer aussi. Même s'il est musulman, et même s'il est sur le tawhid, Allah peut décider de lui pardonner, il peut aussi décider de lui faire miséricorde et de lui effacer ses péchés à cause de ses bonnes œuvres ou à cause de sa sincérité ou d'autres choses également. Mais même s'il rentre en enfer, il ne va pas rester éternellement parce qu'il est mort sur le tawhid. Donc quand Allah Azza wa Jal va décider, et nul ne sait quand ou combien de temps le musulman qui a commis des péchés et qui est rentré en enfer, combien de temps il va rester en enfer, personne ne sait. Ça peut être 500 ans, ça peut être 1000 ans, ça peut être 20 000 ans, ça peut être plus, ça peut être moins. Allah Azza wa Jal sait. Et ceux parmi les croyants qui vont entrer en enfer, ils ne vont pas tous rester la même durée. Selon la gravité de leurs péchés. Et ils ne seront pas nécessairement tous au même niveau dans l'enfer non plus. Selon la gravité de leurs péchés. Et c'est évident que personne ne voudrait même passer une fraction de seconde en enfer. Parce que c'est un châtiment terrible. Mais malgré tout, il y a quand même de l'espoir pour ce musulman qui est en enfer, qu'il en sorte parce qu'il est mort sur le tawhid. Il est mort avec la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que Allah azza wa jal va faire sortir de l'enfer quiconque avait un atome de foi dans son cœur. Et les messagers vont intercéder. Et les croyants vont intercéder pour ceux qui sont tombés dans l'enfer, pour que Allah leur fasse miséricorde et pour qu'il les fasse sortir. Ça, c'est l'importance du tawhid. Ça, c'est l'importance de la ilaha illallah. Et c'est ça la grandeur de l'importance de la ilaha illallah. Et c'est ce qui nous fait voir en même temps la gravité du shirk et de donner à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration. Et c'est quoi la signification du shirk? Eh bien, c'est d'offrir à une créature quelconque ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah une forme quelconque parmi les formes d'adoration. Et qu'est-ce qu'une adoration? Une adoration, c'est toute parole et toute action qu'une personne fait pour Allah et que cette action-là, elle est aimée et approuvée d'Allah Azza wa Jal. Et comment on fait pour savoir que cette action est approuvée et aimée d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, c'est dans le Coran. Si Allah Azza wa Jal l'a encouragé ou l'a ordonné, ça veut dire qu'il l'aime. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné ou l'a encouragé dans la sunnah, ça veut dire que Allah, il aime cette action. Donc, c'est une ibadah. Et si tu offres cette adoration à une créature, au lieu de l'offrir au Créateur, tu as commis du shirk. Comme celui qui fait des doigts et qui demande à des créatures au lieu de demander au Créateur. Comme celui qui va auprès d'une tombe ou qui va auprès d'une statue ou d'une idole ou qui demande à un prophète qui est mort ou à un homme pieux qui est vivant ou qui est mort de le guérir d'une maladie ou de lui donner des bénédictions. Ça, c'est du shirk majeur. Ça fait sortir de la foi et de l'islam. Et il y a aussi des formes de shirk mineurs qui ne font pas nécessairement sortir de la religion musulmane en entier, mais qui annulent la validité des œuvres de la personne lorsque, par exemple, quelqu'un fait des actions pour se faire remarquer des gens, pour se faire voir des gens, et il espère de la glorification et des éloges dans ses actions. Ça, c'est ar-riya, l'ostentation, le fait de vouloir se faire remarquer, de se faire glorifier quand on parle ou quand on fait des bonnes œuvres. Comme celui qui prie et qui embellit sa prière parce qu'il sait que des gens le regardent. Alors il fait semblant qu'il prie encore plus pour se faire remarquer et se faire glorifier. Cette prière-là, que la personne a fait avec cette intention de se faire voir des gens, Allah ne la récompensera pas. Et il n'aura aucune récompense pour cette action. Même qu'il sera châtié et puni pour cette action, parce qu'elle n'était pas faite avec ikhlas. Elle était faite avec riya. Et le riya, c'est du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous savez ce que je crains pour vous plus que le Messie Dajjal? Et les sahabas ont dit: oui, on veut savoir, ô messager d'Allah. Il a dit: ce que je crains plus pour vous que le Messie Dajjal, c'est ash-shirk al-khafi, le shirk qui est caché. Comme la personne qui embellit sa prière pour que les gens le voient. Ou n'importe quelle autre action. Ou le fait de jurer par autre que Allah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit: c'est mieux pour quelqu'un de mentir quand il jure par Allah que de jurer par autre que Allah. Et on sait que de mentir quand on jure par Allah, c'est un grand péché parmi les kaba'ir. Et de jurer par autre que Allah, c'est plus grave que de mentir lorsqu'on jure par Allah. Alors vous voyez la gravité du shirk mineur, malgré que c'est un shirk qui est mineur, c'est plus grave que les kaba'ir. Et il y a beaucoup d'autres formes également de shirk mineur. Et les ulama, ils disent: toute action, toute croyance, toute chose qui peut t'amener à tomber dans le shirk majeur, même si en soi c'est pas du shirk, mais si ça peut te faire tomber dans le shirk, ça devient du shirk mineur. Et donc ça veut dire qu'il faut s'éloigner de ça. Et la meilleure façon de s'en prémunir et de se préserver du shirk, c'est de l'étudier, et c'est d'étudier le tawhid, et d'étudier le shirk, et de savoir ce que c'est, et d'étudier tout ce que ça représente. Et chacun d'entre nous, on est en mesure de se procurer Kitab al-Tawhid, et de se procurer l'explication de Kitab al-Tawhid, et de se procurer les cours des ulama qui expliquent Kitab al-Tawhid sur Internet. Vous allez sur n'importe quel site parmi les sites des grands ulama, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Salih al-Fawzan, vous allez sur son site, vous trouvez tous les durous qu'il a fait, enregistrés, et les séries, les explications des différents livres, ils sont là. Vous avez juste à les télécharger. Au lieu de télécharger des musiques, au lieu de télécharger des films et des bêtises, téléchargez les durous des ulama, écoutez-les. Est-ce que c'est normal qu'on connaisse mieux les noms des chanteurs, les noms des acteurs, les noms des politiciens, les noms des sportifs? Mais si on demande à des gens Vous connaissez le nom des grands ulama, des imams de la Ummah, de notre siècle et du siècle dernier et des siècles passés? Combien sont capables d'en énumérer? Et si certains sont capables, 1, 2, 3? Mais si tu leur demandes, donne-moi le nom des grands acteurs, donne-moi le nom des grands chanteurs, donne-moi le nom des sportifs, des joueurs de football. Là, il va te faire la liste. Peut-être il peut reculer jusqu'à 10 ans en arrière. Il connaît tous ceux qui ont fait les buts, tous ceux qui ont fait ci et ça, et leurs statistiques. Mais si tu leur demandes qui sont les ulama, ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un signe d'une maladie et d'un grand malaise et d'un grand malheur pour la Oumma. Si on ne connaît pas nos ulama, s'il y a un acteur qui meurt, ou un sportif, ou un chanteur, ils vont faire une page, dans la première page du journal, ils vont parler de lui dans les pays musulmans. Mais s'il y a un alim parmi les ulama, un imam parmi les a'imma qui meurt, ils vont lui faire un petit carré de quelques centimètres, comme si c'était rien. Nasallallahu al-afiya. Et donc, il faut vraiment prendre les choses au sérieux pour apprendre la réalité de cet islam. Parce qu'il n'y a pas d'islam sans muharabat al-shirk. Il ne peut pas y avoir d'islam si on n'a pas déclaré la guerre à l'idolâtrie et au shirk. S'il y a un islam qui fait la paix avec le shirk et qui considère l'idolâtrie comme son ami, c'est pas l'islam. Même s'il s'appelle islam, c'est pas l'islam. Et même s'il se dit musulman, c'est pas un musulman. Parce que le tawhid, c'est la base de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour déclarer la guerre au shirk. Et c'était ça sa mission. Depuis qu'il a commencé avec Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu le shirk et il a appelé au tawhid. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous remettre sur la droiture et de nous donner la connaissance et de nous aider à le mettre en pratique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم